Comme tous les vendredis matins dans le double expresso RTL 2, on a le droit à l'invité du vendredi et ce matin c'est Georges Ezra. Applaudissements pour Georges Ezra. Hey you, how are you? I'm very good, how are you? Fine, thank you. On est très heureux de t'accueillir parce que nous on adore Shotgun. On était parmi les premiers à diffuser ce morceau. Quelle est l'histoire de ce titre? What is the story of this song? So this song is the last song that came from the trip to Barcelona. C'est la dernière chanson qu'il a créée depuis Barcelone. The whole album was just songs about, as you said, escaping, dreaming. Tout l'album c'est justement s'échapper, rêver. Taking it easy. And Shotgun was the last of those songs. But back home, Shotgun means you sitting in the passenger seat of the car. So you say shotgun and you're the passenger. Ça veut dire que c'est toi le passager dans la voiture de retour. Shotgun, then you're shotgun. C'est un titre qui rend heureux. Moi, ça me donne envie de partir avec lui en voyage. Ok. Alors là, you have a date, George, il faut que je te dise. And this is a feel-good song and she wants to go in holidays with you now. Well, no? I'm the only one of my friends that doesn't have a driving license. I'm always shotgun. Il est toujours shotgun. C'est le seul qui ne sait pas conduire, qui n'a pas le permis de conduire. But on holiday sounds great. Yeah, great. Be careful with her. Mais fais attention à elle quand même. Allez, va t'installer. La guitare t'attend, ton micro également. Voici Georges Ezra en live Shotgun sur RTL 2. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. Sun and change in the atmosphere. Architecture unfamiliar. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. Well, south of the equator, navigator, gotta hit the road, gotta hit the road. Deep sea diving round the globe, bikini bottoms, locker toes. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. We got two in the front, hey, two in the back, yeah. Sailing along, we don't look back. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone, a someone, a someone. C'est comme ça tous les vendredis. Les stars du son pop rock s'invitent dans le double expresso RTL2. Les meilleurs lives, les meilleures interviews sont à revivre sur rtl2.fr. Et on est bon pour une double dose, puisqu'après les infos de 8h30, on revivra l'avenue d'iPhone dans le double expresso. Avant ça, comment ça va se passer ce vendredi pour vous? Allez, on regarde l'horoscope. On commence par les béliers. Très joueurs, vous avez toujours besoin d'en rajouter une couche. Les taureaux, le chef, c'est vous. Et oui, vous êtes aux commandes, que ça plaise ou non. Gémeaux, votre bonne humeur communicative ne laisse personne indifférent. Pour les cancers, échapper au train-train quotidien, c'est votre live. Leitmotiv du jour, bonne nouvelle, vous allez y arriver très très bien. Les lions, au centre de toutes les attentions, on n'a Dieu que pour vous. Les vierges, déterminés et ambitieux, vous donnez tout pour convaincre. Les balances, votre répartie est votre atout majeur. Ce vendredi, Scorpion, vous savez vous défaire de toutes les situations les plus délicates. C'est un talent précieux et utile, surtout jusqu'à ce soir. Sagittaire, des nouvelles rencontres sont à l'ordre du jour. Pour les capricornes, il y a de l'ambiance autour de vous. La journée est très très animée. Les verseaux, profitez de tous les bons moments arrêtez de vous inquiéter pour tout. Et enfin, les poissons, en recherche de nouveautés, vous voguez vers de nouveaux horizons jusqu'à ce soir. iPhone, iPhone, interview plus live, c'est à suivre dans le best-of du Double Expresso de ce vendredi matin sur RTL 2. Avant ça, les infos arrivent et puis on va s'offrir Liquido pour le son pop rock. Liquido, narcotique, vous allez voir, ça va carrément bien passer pour un vendredi matin avec RTL 2. Bonjour. RTL 2 a été la première radio en France à jouer ce titre d'Imagine Dragons. Tom Walker, vous l'avez découvert sur votre radio. RTL 2 a été la première radio en France à jouer ce titre de Pink. RTL 2, les plus grands artistes pop-rock d'aujourd'hui et de demain. Showroomprivé.com présente. Je suis vaillant comme Vaiana. Et moi, rusé comme le capitaine Crochet. Moi, j'ai mieux qu'un crochet, le sabre de Jack le pirate. Et moi, j'ai le pouvoir magique de la Reine des Neiges. Et moi, je connais deux héros qui vont aller se coucher pour être en forme pour demain. Oui, mon capitaine. Pirate ou princesse, choisissez votre camp. Avec Showroom Privé, à vous Disneyland Paris à moins 35% avec séjour offert pour les moins de 12 ans pendant le festival Pirates et Princesses. Showroomprivé.com. Il est urgent de se faire plaisir. Auchan, et la vie change. Et pendant les 125 jours Auchan, c'est le dîner entre amis de Sylvain qui change. Avec la côte de bœuf à seulement 10,95€ le kilo. Une belle pièce de bœuf à partager, Sylvain. Par contre, fais attention, parce qu'un partage, même entre amis, c'est pas toujours équitable. Jusqu'à demain, vos hypermarchés Auchan proposent la côte de bœuf à 10,95€ le kilo. Et vos dîners entre amis changent. Auchan. Viande bovine, côte 3 étoiles, à griller, en caissette, origine France. 8h30 sur RTL 2, la journée démarre pop rock avec Liquido après les infos de Raphaël Thomas. Bonjour Raphaël. Bonjour Sylvain, bonjour à tous. Et d'abord le gouvernement qui fait sa rentrée. Après deux semaines de repos, l'exécutif a rendez-vous ce matin place Beauvau pour un petit déjeuner de travail. Direction ensuite l'Elysée pour le premier conseil des ministres de l'année 2019. Emmanuel Macron devrait ouvrir la séance par un discours de vœux. Ce sera ensuite au tour du premier ministre Édouard Philippe de prendre la parole. On ignore ce qui sera à l'ordre du jour, mais de nombreux chantiers sont sur la table. La réforme de l'assurance chômage, la réforme des retraites ou encore celle de la Constitution. Et le gouvernement qui n'en a pas fini avec la crise des Gilets jaunes. Dans une lettre ouverte adressée à Emmanuel Macron hier, un groupe de militants lance un appel à une nouvelle journée de mobilisation nationale demain. Hier, Éric Drouet, l'un des chefs de file du mouvement qui avait été arrêté la veille, a dénoncé une interpellation politique à l'issue de sa garde à vue. Il comparaîtra le mois prochain pour organisation de manifestations sans autorisation. Marlène Schiappa en fait une affaire personnelle. La secrétaire d'État dénonce une décision de la commission d'indemnisation. Celle-ci a refusé de dédommager une femme devenue paraplégique après avoir été défenestrée par son compagnon au Mans en 2013. Alors que la cour d'assises avait fixé ses indemnités à 90 000 €, la commission ne lui a pas versé la totalité de la somme, estimant qu'elle était en partie responsable de son état, n'ayant pas fui son domicile à l'époque. Les avocats de Carlos Ghosn contre-attaquent ce matin. Ils viennent de déposer une demande spéciale pour une comparution de leur client. L'objectif, obliger le procureur à clarifier publiquement le motif de sa détention prolongée. Cela fait maintenant un mois et demi que le patron de Renault est derrière les barreaux depuis son arrestation à Tokyo pour des soupçons de fraude fiscale. Sa garde à vue a été prolongée à plusieurs reprises. Et puis des sports, en football, c'est parti pour les 32e de finale de la Coupe de France. Avec deux matchs à suivre, ce soir, ce sera à 20h55, Grenoble-Strasbourg, Nantes-Châteauroux. Dimanche, Pontivy, club de National 3, défiera le PSG quadruple tenant du titre. Et puis toujours en foot en Angleterre, Manchester City a infligé au leader Liverpool sa première défaite de la saison en l'emportant 2-1. La météo, le pays sera coupé en deux aujourd'hui avec un ciel couvert au nord et ensoleillé mais très froid au sud. Dans la matinée, il y aura beaucoup de brumes et de bandes brouillard de la Bretagne et de la Normandie vers l'Île-de-France et la Champagne-Ardenne. Sur la moitié sud, le soleil brillera dès le lever du jour mais avec beaucoup de gelée. L'après-midi, on attend toujours de nombreux nuages au nord de la Loire. Enfin, dans la soirée, il neigera sur la plaine d'Alsace. Les températures ce matin, moins 4 degrés à Pontarlier, moins 1 à Saint-Jean-de-Luz, 2 degrés à Carnac, 3 à Paris, 5 à Grande-Synthe et à Cargèse et 6 à Ramatuelle. L'après-midi, on attend 5 degrés à Étretat, à La Rochelle, à Thionville et à Lyon et 6 à Avignon. 8h32 sur RTL2. Sentez-vous cette bonne odeur de week-end qui se rapproche bien comme il faut. On y sera. sera ce soir. C'est cool, ça fait plaisir. Et pour bien démarrer ce vendredi, c'est le best-of du double expresso RTL2 jusqu'à 9h avec un invité exceptionnel, iPhone dans 3 minutes. Le temps d'un bon Liquido. C'est pour moi, c'est cadeau, c'est pour la bonne année. Liquido avec Narcotique sur RTL2. Bon réveil, pop, rock. And the month it all began, will you release me with a kiss? Have I tried to draw the veil? If I have, how could I fail? Did I fear the consequence? Dazed by careless words, cozy in my mind. Wax, fitted out with greater cracks. Sweet devotion, my delight. Oh, you're such a pretty one. And the naked thrills of flesh and skin would tease me through the night. I hate to leave you bare. If you need me, I'll be there. Don't you ever let me down. Dazed by careless words, cozy in my mind. And I touched your face, narcotic mind from lace, Mary Jane. And I called your name like an addicted to cocaine. Calls all the stuff you love to blame. And I touched your face, narcotic mind from lace, Mary Jane. And I called your name, Michael Caine. By Liquido sur RTL2 dans le best-of du double expresso. L'équipe de retour en direct lundi dès 6h, ce sera bien. Et ça, c'était bien, bien, bien. iPhone en visite dans les studios RTL2. Écoutez, c'est dans le best-of du double expresso ce matin. Chaque vendredi, un invité dans le double expresso RTL2. Et ce matin, c'est le groupe iPhone qu'on peut... Ouais, oui. Bonjour, la team iPhone, comment ça va? Ça va super. Ça va. Bon, on est ravis de vous accueillir. Santa, Adam, tout le monde est là également. Je salue Ligne également. Bon, bref, tout le monde est là. Vous avez prêt? Vous êtes prêt? Vous avez le matos? Tout est OK pour le live de 8h16? On a mis un piano à queue et deux batteries dans ce studio immense. Immense. On se tient chaud. Bon, c'est un plaisir de vous accueillir. Nous, on s'était croisés quand je présentais le drive. Donc, c'est pas tout neuf, hein, pour tout vous dire. Et vous étiez encore un jeune groupe qui démarrait. Il s'est passé tellement de choses depuis. Le succès notamment, parce que ça, c'est quand même vachement important. Bravo, merci, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Vous avez changé ou pas? Ça y est, on a pris la grosse tête, on est devenus de vrais connards. On m'a dit que vous aviez un boulard terrible, j'ai hésité. Il y a eu une victoire de la musique aussi entre-temps, en plus, quand même. Ah oui, okay. oui, tout à fait. Et une tournée de 200 dates, enfin, c'était ce qui nous arrivait extraordinaire. Et un deuxième album. Ça y est, il est là, HH. Vous avez eu du mal à le créer cet album ou c'est venu tout seul finalement? Parce que c'est vrai que la pression du deuxième album, c'est peut-être quelque chose d'un peu compliqué. Je sais pas, pour certains, pour d'autres, c'est facile. Non, je pense qu'on avait envie de s'exprimer. On a toujours eu ce feu en nous et je pense que c'était le moment de penser album, alors qu'avant on pensait scène. Et là, ouais, on a vraiment pensé album, on a vraiment pensé production et 11 titres, dont on est fier. Dont Like a Boy. Et ben ça tombe bien parce que c'est le morceau qu'on va écouter maintenant en live. iPhone sur RTL2 dans le Double Expresso. Voici Like a Boy. Twice, say,